comme une gamine, tu fais dresser ma bine. Je deviens un sauvage, adepte du bondage. Je vais briser ta chatte, écarte-t-on les pattes. Petite fleur de lotus, fais élargir ton anus. Cracher mon foutre dans ta chatte, putain de petite asiate. Violente sodomie, supplice de la bougie, le fouet et les entraves, salope de petite esclave. Tu te demandes ma pitié, avec tes yeux bridés, je pince tes petits tétons et te dilate le fion. Petite fleur de lotus, je vais élargir ton anus, cracher mon foutre dans ta jacquette. Putain de petite asiate, complet par mon calibre, empalé par mon chible, torture sexuelle et harde, prise de façon trop crade, je finis de. Il y a plein de taches, de cire, de bougies.